Les éditions de l'Avenir présentent les résumés des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Vanneux. Cycle 2, Atlan et Harkonnis. Le fascicule allemand numéro 90, Atlan en danger, écrit par Kurt Brand en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 39, Rodden, René Rodden, paru chez Fleuve Noir en 1977. L'attention des services de la défense solaire est attirée par l'hindou Rabindranath. Il a récemment écrit un article sur le propulseur linéaire des Druf qui s'est révélé être un canular. L'homme semble pourtant être un génie et il est recruté pour les études sur la propulsion linéaire. Des événements inexpliqués se produisent au département de recherche numéro 18 où ont lieu les études sur la propulsion linéaire. Reginald Bull soupçonne Rabindranath, ce qui éveille les soupçons de Rodden, Bull se montrant d'habitude plutôt sympathique avec les originaux. Il s'avère qu'il a été mis sous hypnose. Trois individus sont arrêtés. Ils ont utilisé une drogue à rats, leur conférant momentanément des pouvoirs psy. Et tous trois sont liés à la société GHC, située au Cap. Une perquisition dans les locaux de la société permet de découvrir un télécom les liant en Caucase. Perry Rodden est informé que Thomas Cardiff vit sur Archez, le monde central des francs-passeurs. Celui-ci révèle à toute la galaxie qu'Atlan se cache maintenant derrière le régent. Atlan confie ses inquiétudes à Perry Rodden. Thomas Cardiff est devenu l'éminence grise de Caucase et lui conseille d'attiser les révoltes dans le Grand Empire. Les lunes d'un système séditieux sont brutalement détruites, mais pour Thomas Cardiff, c'est la preuve qu'Atlan se cache derrière le régent. Le cerveau-robot aurait détruit directement la planète. Atual et Orthez, les responsables de la Banque centrale des francs-passeurs, déclenchent une inflation générale sur tout l'Empire. L'équipe de Rabindranath a enfin mis au point un détecteur de propulsion linéaire. Rodden déclenche le plan Attrape-mouche. Atlan place des unités robots dans le système de Ruzuma. Le Californie, équipé du détecteur, a pu repérer les 3000 vaisseaux Druf en fuite. Le détecteur est transféré sur le Drusus, qui part à la rencontre des Druf. Atlan informe Rodden que la confusion règne dans le Grand Empire. Et quand Atlan demande le nom du responsable au régent, celui-ci répond Rodden, sans préciser si c'est le père ou le fils. Le Drusus prend contact avec la flotte des Druf et Perry Rodden propose un marché. Il indique aux Druf le chemin vers leur univers et, en échange, leur flotte doit apparaître au-dessus d'une planète pour une manœuvre d'intimidation. Harkonnis retire ses unités lourdes des environs d'Archez. Thomas Cardiff comprend la manœuvre en cours et conseille à Caucase de se retirer d'urgence du système. La flotte Druf attaque alors Archez et, contrairement à l'accord prévu, ravage la planète. Ils sont complètement anéantis par les croiseurs robots d'Harkonnis. Perry Rodden pense que son fils a trouvé la mort lors de l'attaque. Le fascicule allemand numéro 91, Le retour d'Enstellert, écrit par Clark Dalton en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 40, L'immortel et les invisibles, paru chez Fleuve Noir en 1977. Sur Drufon, la capitale des Drufs, le physicien Ono, qui héberge l'esprit d'Ernst Ellert, est arrêté par les forces de police et incarcéré dans une cellule. Après y avoir passé 2 jours et 3 nuits, Ellert quitte le corps de son hôte et va récupérer le feuillet métallique contenant les plans du propulseur linéaire en prenant le contrôle d'un officier de police. De retour dans le corps d'Ono, il lui fait activer un émetteur placé sur son bras gauche. Le signal est reçu sur Hadès. Le mutant annonce qu'il a de plus en plus de mal à contrôler Ono. Le 5 août 2044, Perry Rodden se trouve sur Arkonis III, où il prépare son retour sur Terre. Informé par le maréchal Michael Frett de l'alerte donnée, il repart aussitôt. Ono doit être amené devant les juges et Ellert essaie à tout prix de l'empêcher de révéler qu'il est manipulé par un esprit terrien. Le corps d'Ernst Ellert, entreposé jusque-là sous le mausolée dans le désert de Gobi, montre des signes de décomposition. Il est amené d'urgence sur Hadès. Ono est face à 12 juges et Ellert ne peut contrôler son esprit que par un coup. Le procès est suivi depuis Hadès grâce à Arnaud qui retransmet les images. Perry Rodden, Ras Chubai, Eric Manoli et l'émir se rendent sur Drufon à bord d'une gazelle qui est cachée dans une vallée encaissée. Ils ont emporté le corps d'Ellert. En manipulant l'esprit de plusieurs gardes, Ellert parvient à faire évader Ono. Il s'empare d'un glisseur à l'astroport. Le glisseur est pourchassé par une escadrille, mais le mutant parvient à s'en débarrasser. Quand il arrive au laboratoire secret d'Ono, il est arrêté par 2 douzaines d'hommes. Il est placé dans un aéroglisseur et est ramené à la capitale. Les forces d'Ellert, ravivées par la proximité de son corps, lui permettent de prendre maintenant le contrôle de plusieurs hommes à la fois et il arrive à détourner l'aéroglisseur. Cette fois, une alarme planétaire est déclenchée. L'émir le retrouve et Ellert regagne la gazelle. Il a tenu la promesse faite à Ono et l'a rendu amnésique pour qu'il s'en sorte face à ses juges. La gazelle regagne à temps la base de Hadès et le Drusus fuit avant que les vaisseaux Druf n'apparaissent et détruisent la base. Ernst Ellert a retrouvé son corps, mais qu'il lui manque le bras droit, le processus de décomposition ayant été trop loin. Un bras artificiel va être mis à la place. Le fascicule allemand numéro 92, Mission secrète Moluk, écrit par William Volz en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 41, Les Métamorphes de Moluk, paru chez Fleuve Noir en 1977. Après avoir fouillé la maison de Mataal, sur Epan, et récupéré certains de ses documents, la Défense solaire pense avoir trouvé la position de Moluk, l'une des planètes rejointes par les Métamorphes. Ceux-ci ayant de grands pouvoirs psychiques, Perry Rodden et Alan D. Merchant décident de prendre contact avec eux. Le colonel Marcus Everson, le mutant télépathe Sammy Goldstein et 8 autres membres d'équipage du Fond décollent, à bord du Mexico, pour rallier Moluk à 20 000 années-lumière de la Terre. À 34 mètres d'altitude, le champ antigravitationnel se coupe et le vaisseau s'écrase au sol. Il faudra 4 semaines pour réparer. Paul Weiss, Goldstein et le Dr. Morton partent en reconnaissance et découvrent une ville. Une 30aine d'Autochtones, baptisés les Greens, les attaquent, mais ils font rapidement la paix. Le Green, Morgu, explique que son peuple est terrorisé par une force maléfique dans le désert. À la tête d'une 30aine de personnes, et guidé par le vieux Green Napoléon, Marcus Everson part pour un tour en plein désert. Très vite, des phénomènes étranges se produisent. Durant la nuit, un terrible ouragan de sable se déchaîne emportant la majeure partie du matériel et blessant une partie du commando. Napoléon disparaît. Ils arrivent finalement devant la tour, qui est en fait un astronef. Marcus Iverson et quatre autres hommes, dont Sammy Goldstein, pénètrent dans le vaisseau et retrouvent Napoléon, qui s'avère être un métamorphe. Il est le dernier représentant de sa race, sa planète ayant été détruite par accident par son peuple. Le dernier vaisseau s'est échoué sur Molucque et son équipage de 5000 personnes est décédé. Napoléon veut s'emparer du Mexico et retient les 5 hommes prisonniers. Goldstein tente en vain de s'opposer à lui. Napoléon prend le contrôle des 30 hommes de l'expédition et tout le monde se met en route vers le Mexico. Quand ils arrivent face à un commando de secours, dirigé par Walt Kubi et guidé par Murgut, Goldstein peut échapper à l'emprise mentale du métamorphe et un robot abat Napoléon. Le fascicule allemand numéro 93, L'ennemi dans le noir, écrit par Kurt Mahr en 1963, ne fut pas traduit en français. Suite à l'assassinat du robot gouverneur de la planète Hopgan, le croiseur terrien Finnmark part enquêter. Hopgan est une planète à 95% aquatique, peuplée par les Efoga, amphibies. Sitôt l'atterrissage effectué, le croiseur est attaqué par des autochtones qui sont, toutefois, rapidement défaits. Peu après, une partie de l'équipage, menée par le sergent Rand Loudé, se mutine et doit être mise aux arrêts. Il semble avoir été conditionné par un agent extérieur. Le peuple des Efoga est contraint par un peuple étranger à récolter une plante appelée Psimo. Las de cette condition, trois d'entre eux, Shox, Karok et Norouch, s'introduisent dans la demeure de l'un des leurs qui collabore avec l'ennemi. En manipulant un émetteur, ils entrent en contact avec des terriens et conviennent d'un rendez-vous. Tandis qu'un Triskaf, commandé par le major Tommy Hunter, s'y rend, le sergent Loudé, toujours conditionné, s'empare du Finnmark et le remet aux étrangers. Le croiseur est censé retourner sur Terre pour libérer une certaine substance dans l'atmosphère. L'équipe d'Uncher arrive dans la cité engloutie de Pshog, où ils sont capturés par les étrangers, en fait, des francs-passeurs et des aras. Ceux-ci tirent une drogue à partir du Psimo, cette même drogue qui a conditionné une partie de l'équipage du Finnmark. Les aras sont aussi responsables de la transformation des anciens colons en hommes-poissons. C'est alors que les Efoga, qui ont contacté les terriens, interviennent. En peu de temps, Hunter et ses hommes sont libérés et prennent la fuite. Ils quittent la cité engloutie, regagnent la surface et, par l'emploi de gaz, reprennent le contrôle du Finnmark. Un message est aussitôt envoyé sur Terre. L'arrivée de Perry Rodden, avec le super cuirassé Barberousse, entraîne la fuite des francs-passeurs et des aras. Hopgan est enfin libre. Le fascicule allemand numéro 94, Le soleil flamboyant, écrit par Clark Dalton en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 42, L'Arche des Aïeux, paru chez Fleuve Noir en 1977. La voie de communication entre l'univers des Druff et l'univers d'Einstein se dégrade de jour en jour. Les incursions des Druff se raréfient. Une dizaine de navires Druff se matérialisent, mais Perry Rodden intervient pour les détruire. Peu après, Atlan appelle Rodden, par hyperonde, pour l'informer du fait qu'il manque de collaborateurs arcanides compétents et lui demande de retrouver l'Arche des Aïeux. Le commandant Wilmer Lund réintègre l'Arctique avec ses hommes et reçoit l'ordre de remiser le navire dans les soutes du Drusus. L'émir le met alors au courant de ce qui s'est réellement passé sur l'Arche des Aïeux. Ils partent à sa recherche, mais, arrivés à destination, celle-ci a disparu. Ils retrouvent trace d'une transition dans le secteur ayant eu lieu le 10 septembre 2044, 18 jours plus tôt. Sur l'Arche des Aïeux, les robots ont été neutralisés et les membres de la dernière génération ont pris le pouvoir. Au cours d'un conseil, Off 1 propose d'effectuer une transition. L'opération réussit, mais les propulseurs tombent en panne. Dans la salle des dormeurs, plus de 100 000 Arconides se sont réveillés, dont Séchal, le commandant original. Une lutte commence entre les anciens et les nouveaux. Com 1 remet le commandement à Séchal, mais sur le vaisseau règne l'anarchie. L'Arche des Aïeux est localisée le 29 septembre 2044. Elle se précipite vers le centre d'un soleil appelé Magnus. Rodden se rend sur place avec le Drusus. Rashtubai et l'émir se téléportent sur l'Arche des Aïeux. Arrivé au poste central et au fait de la situation, l'émir décide de se rendre dans la salle des machines, tandis que Ras reste dans le poste central pour servir de liaison entre les deux groupes. Détectant le Drusus, qui tente d'arracher l'Arche des Aïeux de la gravitation de Magnus, les Arconides décident de tirer dessus, se pensant attaqués. Le Drusus, avec en remorque l'Arche des Aïeux, s'éloigne lentement de Magnus lorsque Rodden aperçoit les gueules des canons. Il ordonne alors la levée des écrans, mais l'énergie ainsi détournée manque pour s'éloigner de Magnus. L'émir intervient pour couper l'énergie à la centrale de tir. Lorsque le tir s'arrête, le Drusus se remet en route. Pour établir l'ordre sur l'Arche des Aïeux, Rodden décide d'envoyer du gaz narcotique dans le conditionnement d'air. Le vaisseau étant hors service, Atlan envoie 5 transports de troupes pour rapatrier les Aïeux sur Arconis. Le fascicule album numéro 95, Le ciel sans étoiles, écrit par Clark Dalton en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 40, L'immortel et les invisibles, paru chez Fleuve Noir en 1977. Les 100 000 Arconides découverts sur l'Arche des Aïeux sont amenés sur Arconis. L'immortel appelle soudain Perry Rodden, l'invitant sur Delos. Quand le croiseur arrive sur place, l'immortel se manifeste sous la forme de l'émir et affirme avoir besoin de l'aide de Perry Rodden. Il s'agit des Barconides dont il n'a plus de nouvelles. Wuryu Sengu, Rodden et l'émir partent à bord d'un vaisseau matérialisé par l'immortel et franchissent en peu de temps les centaines de milliers d'années-lumière les séparant de Barconis. Ils retrouvent la planète, mais le sol est entièrement recouvert par la neige et il n'y a plus d'atmosphère. Ils quittent le vaisseau, qui disparaît aussitôt. Ils sont alors attaqués par des créatures invisibles. Elles essaient d'abord, en vain, de leur imposer mentalement leur volonté, puis utilisent des armes radiantes. Ils finissent par pénétrer dans les installations souterraines et gagnent une partie où subsiste de l'air. Dans un centre de commande, ils trouvent le bouton permettant de remettre en marche tous les générateurs. Ils appuient dessus, mais à intervalles réguliers, quelqu'un le coupe à nouveau. Ils découvrent finalement une salle immense où les Barconides sont endormis. Rodden retrouve les 4 Barconides dirigeant leur peuple. Rigun, Lar, Gorat et Nex. Ils leur apprennent qu'après 50 ans de vol sans histoire, Barconis a subi les premières agressions d'un peuple inconnu. L'air respirable a été transformé en neige et les caméras désactivées. Les réacteurs se sont ensuite arrêtés. Par précaution, les Barkonides se sont administrés un somnifère. Ils regagnent le centre de commande et le bouton, contrôlant les réacteurs, est définitivement maintenu enfoncé, le cadre liquéfié par une arme thermique se solidifiant autour. Un invisible intervient, mais en concentrant dessus des faisceaux de leurs armes, ils le font apparaître brièvement, puis il se dissout. Un blindage énergétique est construit autour de la planète pour la protéger. Radon, l'émir et des spécialistes Barkonides inspectent la surface où l'atmosphère est peu à peu rétablie. Ils assistent au départ des quatre vaisseaux des Invisibles. L'immortel contacte alors Perry Radon et apprend la raison de l'absence de réponse des Barkonides. Sengu, Radon et l'émir reviennent dans la Voie lactée et alors qu'une semaine s'est écoulée pour eux, seules 4 heures ont passé sous le Drusus. Sur la demande de Radon, une douche cellulaire est accordée à la suite de Radon. Tandis que le Drusus décolle, Radon s'inquiète d'une future rencontre avec les Invisibles. Le fascicule allemand numéro 96, L'Anti, écrit par Kohashir en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 43, Alerte aux Anti, paru chez Fleuve Noir en 1977. Une cérémonie a lieu sur Arconis où Atlan assiste à la 4e session du Grand Conseil. Il a affaire à des Arconides qui lui sont hostiles, mais ne proposent rien de constructif. Au cours de l'année suivante, des inconnus s'introduisent dans les quartiers d'Atlan et lui volent son activateur cellulaire, ne lui laissant plus que 60 heures à vivre. Atlan demande l'aide de Perry Radon. Radon arrive avec le Drusus et deux frégates. Grâce à un appareil développé par les Swoons, on recherche l'activateur. Parallèlement, un blocus est formé autour d'Arconis 2. Le pilote d'une nef privée est interrogé et souffre d'étranges maux de tête. Il est persuadé d'avoir conduit 2 officiers supérieurs sur Arconis 2 sur les ordres d'Atlan. Son blocage mental est levé et le contenu de sa mémoire projeté sur un écran grâce à un fantasma. Le régent identifie un des hommes comme Segno Kaata, le grand prêtre du culte de Baalol, sur Arconis 2. L'assaut est donné sur le temple de Baalol sur Arconis. Les mutants se rendent compte que leurs facultés ne fonctionnent plus. Cela prouve que les Baalol sont des anti-mutants, des anti. Atlan entre en contact avec Segno Kaata, affirmant posséder un activateur de rechange. L'anti finit par s'échapper à bord d'une nef ovoïde. Une corvette la prend en chasse. La nef se rematérialise dans le système de Gala. La corvette ouvre le feu, la forçant à s'écraser sur une lune. Kaata en réchappe et les terriens se lancent à sa poursuite. Pour percer son écran protecteur, Perry Radon utilise un arc et des flèches, l'écran ne repoussant que les tirs énergétiques. Kaata est tué et l'activateur récupéré. Le fascicule allemand numéro 97, Le prix de la puissance, écrit par Kurt Brand en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 43, Alerte aux Anti, paru chez Fleuve Noir en 1977. Le 22 novembre 2044, Perry Radon échappe de justesse à un attentat sur Arconis 3. Il est persuadé que Thomas Cardiff en est l'instigateur, bien que le régent ne soit pas de cet avis. Plusieurs autres attentats ont lieu et toutes les pistes mènent à Archetz, la planète des francs-passeurs, que l'on croyait détruite par les Droufs. Elle est en fait intacte et les marchands galactiques se sont organisés dans le sous-sol. Les actions des Terriens se focalisent sur le peuple des Solténiens, qui ont l'étrange réputation d'être des menteurs. C'est Rodden qui a dit à tout le monde de s'occuper d'eux, mais lui-même ne s'en souvient pas. On recherche des informations sur les contacts entre le franc-passeur Caucase et les Solténiens. Le Drusus part pour le système de Forit, d'où ils sont originaires. Il s'avère que c'est l'émir qui a mis l'idée des Solténiens dans la tête de Rodden. Il avait tiré ce nom des pensées de Caucase. Arrivé dans le système, le Drusus paralyse une nef solténienne et 17 terriens prennent leur apparence. Ils repartent avec leur nef, le Loch Arcto, pour Arches. Sur Arches, les communications cryptées entre Terrania et le Régent sont interceptées. Thomas Cardiff est tombé en disgrâce après l'échec du vol de l'activateur cellulaire d'Atlan. Seul Caucase est encore de son côté. Une explosion est déclenchée à bord du Loch Arcto pour permettre aux Terriens de rester assez longtemps sur la planète. Les mutants se mettent à la recherche de Thomas Cardiff, mais au bout d'une semaine, ils ne l'ont toujours pas trouvé. Alors que le Loch Arcto est enfin réparé, l'émir revient à bord avec Thomas Cardiff. Rodden est alors démasqué et il appelle Atlan à l'aide. Les Terriens trouvent refuge dans la tour de contrôle et font sauter le Loch Arcto. L'arrivée de l'escadre d'Atlan le permet de repartir sains et saufs. De retour sur Terre, Thomas Cardiff est soumis à un blocage hypnotique, lui faisant oublier son identité et ses origines. Le fascicule allemand numéro 98, Pouvoir déchaîné, écrit par Kurt Brand en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 46, Le Barrage Bleu, paru chez Fleuve Noir en 1978. Des créatures insectiformes se posent sur la planète Perdita, le monde d'Emulo Castor, ou Ilt, et commencent la construction d'appareils qu'ils appellent Org. L'Emulo, ravi de l'aubaine, joue avec ses nouveaux jouets et provoque une catastrophe qui entraîne la destruction de la plupart des nefs étrangères. L'éruption énergétique est détectée par un cargo qui vient en reconnaissance, mais ne détecte rien de spécial. Terrania, ayant ainsi repéré le phénomène, les données sont comparées. Il semble qu'il s'agit d'une énergie qui ne peut exister. Perry Rodden en est immédiatement informé. Mais malgré tous les efforts, rien n'est détecté. Les Janus, qui sont pourtant revenus, se camouflent. Une pierre bleue, d'une matière inconnue, est découverte. On finit par découvrir qu'il s'agit d'une énergie organique solidifiée. Depuis quelque temps, l'émir est déprimé. Il finit par révéler à Perry Rodden qu'il souffre du mal du pays. Compréhensif, le Stellark lui accorde une permission d'un mois. Le Mulo Castor part pour la planète Perdita avec la corvette C9. À sa grande horreur, quand il arrive, sa planète d'origine a changé d'orbite. Il s'écrase à la surface et entreprend immédiatement de retrouver ses congénères qui tentent de survivre aux immenses changements climatiques. Il se rend près de l'appareil qui a provoqué la catastrophe. Il s'attaque à l'orgue et parvient à la détruire. Une grosse explosion se produit. Alors que la fin approche, l'émir parvient à sauver 28 Mulocastors en les téléportant à bord de la frégate Birmanie, venue à la rescousse. La planète Perdita est complètement détruite. Le fascicule allemand numéro 99, Un ami de l'humanité, écrit par William Woltz en 1963, ne fut pas traduit en français. Début 2045, l'Arconide Grest, voyant sa fin arriver, a décidé de passer ses derniers jours sur une planète tranquille. Le choix s'est porté sur le monde de Grest, une planète située à 6381 années-lumière de la Terre. L'Hélios, avec Perry Rodden à bord, dépose le vieil Arconide et lui fait construire une maison. On lui laisse aussi une gazelle. L'Hélios repart ensuite, laissant Crest seul. Dans l'espace, dérive le Kazil, un vaisseau réduit à l'état d'épave, à bord duquel ont été bannis trois criminels unitaires, Golat, Dizog et Zerft. Ils s'écrasent sur le monde de Crest, et les trois individus entreprennent immédiatement de s'approprier la gazelle. Celle-ci est toutefois protégée par un bouclier énergétique. Tandis que les unitaires rôdent autour de l'abysso, Crest pénètre dans l'épave, mais il est capturé. Une lutte terrible oppose alors le vieil Arconide aux trois unitaires. Les criminels sont finalement tués, mais Crest est gravement blessé. Avant de rendre son dernier soupir, il a le temps d'envoyer un message à la Terre. Sa dernière pensée est pour une jeune fille qu'il avait connue à l'âge de 18 ans. Les éditions de l'avenir vous ont présenté les résumés du cycle 2, des fascicules 90 à 99 des aventures de Perry Rodden, tel que rédigé par Michel Van Reux. Vous pouvez le trouver à rodden.stellark.com. La musique utilisée est de Kevin MacLeod, incompetech.com et Christian Martin. Cet enregistrement est diffusé sous contrôle Creative Commons, Share Alike, et est une production 2014 des éditions de l'avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio pour canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.